إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on commence le cours 52 dans la série des durus de Kitab al-Tawhid avec l'explication du Cheikh Saleh al-Fawzan et on est au chapitre 16 encore, on explique الآية حتى إذا فزع عن قلوبهم. Et donc on continue avec les différents points que le Cheikh a mentionné au sujet du hadith qu'on a étudié, c'est-à-dire le premier hadith du chapitre 16. Et on était rendu à al-fa'idatul khamisa, c'est-à-dire le cinquième point bénéfique qu'on peut tirer de ce hadith. Le Cheikh al-Fawzan il dit فيه بطلان السحر والكهانة وأن مصدرهما واحد وهو التلقي عن الشياطين فلا يقبل السحر ولا خبر الساحر ولا تقبل الكهانة ولا خبر الكاهن لأن مصدرها باطل وقد جاء في الحديث من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما وفي الحديث الآخر من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهذا فيه بطلان السحر والكهانة وأنه لا يجوز تصديق السحرة ولا تصديق الكهان ولا الذهاب إليهم ولكن في وقتنا الحاضر السحرة والكهان خرجوا على الناس باسم أطباء ومعالجون أو باسم أطباء ومعالجين وفتحوا محلات يعالجون فيها المرضى بالسحر والكهانة ولكن لا يقولون هذا سحر ولا يقولون هذا كهانة بل يظهرون أنهم يعالجون الناس بأمور مباحة ويذكرون الله عند الناس ويقرؤون شيئا من القرآن من أجل التلبيس ولكن في الخفاء يقول للمريض اذبح شاة على صفة كذا وكذا ولا تأكل منها خذ من دمها واعمل كذا وكذا أو اذبح ديكا أو دجاجة يصفها بأوصاف ويقول له لا تذكر اسم الله عليه ويسأله عن اسم أمه واسم أبيه أو يأخذ ثوبه وطاقيته من أجل أن يسأل عملاؤه من الشياطين لأن الشياطين يخبر بعضهم بعضا ثم يقول الساحر أو الكاهن فلان هو الذي سحرك وهو كله تدجيل والواجب على المسلمين أن ينتبهوا لهذا وأن يحذروا هؤلاء المشعوذين والدجالين الذين يفسدون عقائد الناس ويأكلون أموالهم بالباطل. Donc le Cheikh il dit que le cinquième point au sujet de ce hadith, c'est de montrer la fausseté de la magie. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. De montrer la fausseté de la magie et de la voyance ou des gens qui se disent devins ou qui prétendent connaître l'avenir. Et il explique que leur source, de là où ils prennent leurs informations est une seule et même source, c'est-à-dire qu'ils prennent des shayatin, que ce soit les sorciers ou que ce soit les kohan, tous les deux ils prennent de la même source pour avoir leurs informations. Et donc, ça prouve qu'on n'a pas le droit d'accepter la magie, al-sihr ou la sorcellerie, et on n'a pas le droit non plus d'accepter les informations qu'ils nous donnent, de la même chose aussi pour les kuhan. Ceux qui prétendent connaître l'avenir, n'a pas le droit de les accepter et d'accepter les informations qu'ils nous donnent également. Et il a été rapporté dans un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui va voir un kahin ou un devin ou quelqu'un qui se prétend connaître l'avenir, sa prière ne sera pas acceptée pendant 40 jours. Et dans un autre hadith, celui qui va voir un kahin ou un arwaf, quelqu'un qui prétend qu'il a des informations du rêve, eh ben, si tu vas voir une personne pareille et que tu crois en ce qu'il te dit, c'est comme si tu as rejeté la foi en ce qui a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est interdit de croire en ce que ces gens-là nous informent. Et il y a également donc dans ça la preuve que ce que la magie est al-kahana, ceux qui prétendent connaître l'avenir, font, alors tout ça c'est faux. Et qu'on n'a pas le droit de croire en ce qu'ils nous informent. Ni les sahara, ni les sorciers, ni les médiums ou les devins. Ni d'aller les voir, on n'a pas le droit non plus. Mais le cheikh il dit qu'à l'époque actuelle, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que les sorciers et les devins, ils ont changé leur tactique, ils ont changé leur méthode pour attirer les gens. Maintenant, ils se sont mis, comme on dit, legit, comme on dit en anglais, c'est-à-dire ils se sont fait des petits cabinets, comme des médecins, et les gens viennent les voir pour essayer de se faire traiter, comme si tout ce qu'ils faisaient était accepté et correct islamiquement, d'accord? Donc, les gens vont là-bas et ils se font appeler médecins ou guérisseurs, des guérisseurs, on utilise ce terme-là, guérisseurs, et ils disent, nous utilisons des bons moyens pour vous traiter ou pour vous guérir. Ils vont pas dire aux gens, par exemple, on utilise le sihr ou on utilise des trucs de voyance ou des trucs de ce genre où on a un lien avec les djinns pour vous guérir. Donc, ils cachent la vérité. Et en apparence, ils montrent aux gens que tout est correct, alors que en réalité, c'est pas le cas. Ils vont dire aux gens qu'il faut mentionner le nom d'Allah, mais en cachette ou en secret par la suite, ils vont dire aux personnes, lorsque tu rentres chez toi ou lorsque tu t'en vas, il faut que tu sacrifies un tel animal de telle description et tu dois pas en manger et tu dois prendre son sang et tu dois faire telle ou telle chose, ou bien tu dois égorger un coq ou un poulet, et il doit avoir de telle description, telle caractéristique, et tu dois pas mentionner le nom d'Allah dessus quand tu le fais. Et ils lui demandent le nom de son père et de sa mère, et ils vont demander une pièce de vêtement, soit par exemple de ses vêtements à lui, comme ses vêtements ou bien son chapeau ou quelque chose comme ça, pour demander soi-disant au djinn ou au shayatin qui travaille pour lui de se demander les uns les autres qui a ensorcelé cette personne, et les gens donc, les djinns vont se demander la question, puis là ils vont dire aux sorciers, aux kahin, voici le nom de la personne qui t'a ensorcelé. Et donc tout ça c'est basé sur des actes de, comme le chef il dit, c'est des actes de comment on pourrait expliquer ça, en tout cas c'est des shayatin si on veut. Et puis, il dit que c'est obligatoire pour les musulmans de faire très attention à ces gens-là et d'avertir les gens contre ces charlatans et contre ces dajjalim, qui corrompent la croyance des gens et qui mangent leurs biens d'une façon illicite. Yani. Ensuite, le cheikh il mentionne comme sixième point, al-fa'idatu as-sadisa, dhakaraha al-sheikh rahimahullah fi qawlihi, قبول النفوس للباطل كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة بحيث تقبل مئة كذبة بسبب كلمة واحدة من الحق فالنفوس تقبل الباطل حيث إنها تقبل مئة كذبة بسبب كلمة واحدة من الحق وهذا فيه التحذير من لبس الحق بالباطل وأن لا نغتر بمن يلبس علينا ويأتي لنا بأشياء من الحق ويدخل تحتها كثيرا من الباطل والخداع والواجب على المؤمن أن يكون كيسا فطنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن كيس فطن يقول صلى الله عليه وسلم يا ما يلدغ المؤمن من حجر من جحر مرتين فالمؤمن لا يتسرع بقبول الأقوال أو المذاهب أو المناهج حتى يفصحها يفصح يفحصها تماما وكيف يفحصها يعرضها على الكتاب والسنة إن كان يعرف نعم إن كان يعرف إن كان لا يعرف يسأل عنها أهل العلم أهل البصيرة حتى يميز له الصحيح من السقيم هذا واجب علينا جميعا أننا لا ننخدع بالدعايات المزوق المزوقة والمستورة والمغلفة بشيء من الحسنات حتى نعم حتى نسبر غورها ونخبر ما بداخلها وإن كنا نستطيع ذلك فالحمد لله وإلا فإنا نسأل الله أو فإنا نسأل أهل العلم وأهل البصيرة الذين يميزون بين الحق والباطل. Donc le cheikh il dit que comme sixième point, c'est que le cheikh il dit comment on peut accepter le mensonge et la fausseté à cause d'une seule petite vérité, on accepte une centaine de mensonges qui vient avec. Comme on a lu dans le hadith qu'on a lu tout à l'heure, ou bien qu'on a lu hier, qui mentionnait que lorsque les shayatines donnent l'information au kahin, au devin, au médium, il prend une vérité, il la mélange avec une centaine de mensonges. Et on a vu que souvent c'est ça ce qui arrive. Les gens trouvent des choses qui sont vraies, quelque chose qui sont vraies, puis avec cette vérité-là, ils acceptent tout le mensonge qui vient avec, malheureusement. Donc, il dit qu'il faut faire attention à ces choses-là, et puis il ne faut pas donc accepter le mensonge et mélanger la vérité avec le faux. Donc il faut faire attention de ne pas se laisser embobiner, comme on dit, ne pas se laisser tromper facilement. Donc si par exemple quelqu'un nous amène quelque chose de vrai en apparence, eh bien il faut prendre nos gardes et vérifier comme il faut pour voir s'il n'y a pas des faussetés et des mensonges qui ne sont pas mélangés avec. Donc le croyant il doit être intelligent, il ne doit pas se laisser tromper facilement et être naïf. Il y a beaucoup de musulmans malheureusement, ils se laissent prendre par la naïveté. Ils se laissent prendre par la naïveté. Et surtout à l'époque actuelle, beaucoup de gens, ils se basent, comme j'avais dit l'autre fois, sur husnuzan. Ils disent, il faut avoir husnuzan. Il faut penser du bien, il ne faut pas avoir des mauvais soupçons, penser mal des gens, il faut penser du bien. Mais il faut en réalité faire attention. C'est pas avec tout le monde que tu peux avoir husnuzan. Il faut en premier savoir que la personne est honnête et fiable. Une fois que tu sais que cette personne-là est honnête et fiable, là tu peux avoir husnuzan par la suite. Si tu vois quelque chose qui est que c'est pas clair, que c'est pas certain, tu donnes le bénéfice du doute à la personne par la suite jusqu'à ce que tu clarifies la situation pour être sûr que tout est correct. Mais c'est pas que tu vas dire husnuzan, t'acceptes tout ce que quelqu'un fait juste parce qu'il dit je suis musulman. Des fois, actuellement, c'est ça qui se passe. Subhanallah, quelqu'un est un criminel, il fait des crimes, il fait des choses illégales, des choses haram. Puis, juste parce que c'est un musulman, il y a certains musulmans qui veulent de ta part que tu les défendes, que tu les protèges, et que tu les couvres. Juste parce qu'ils disent, c'est ton frère dans l'islam. Mais dans l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala nous a pas dit de protéger les criminels. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, لعن الله من آوى محدثا. Allah a maudit celui qui protège un criminel. Donc comment toi tu vas dire quelqu'un que tu sais que c'est un gars qui fait des crimes et qui fait du mal, qui fait du tort, à lui-même et aux autres, et que tu penses qu'en le cachant et en le protégeant, tu lui fais du bien. En réalité, peut-être que tu lui fais plus de mal que de bien. Hein? Et il y a beaucoup d'explications à ce sujet-là, comme par exemple dans un ayah dans surat Shura ou Fussilat, je pense que c'est Shura, Allah subhanahu wa ta'ala dit « فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ » C'est-à-dire si quelqu'un te fait du mal ou du tort, Allah il dit « فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ » Celui qui pardonne et qui corrige, et qui réforme, qui améliore les choses, alors Allah sera pardonneur et miséricordieux. Hein, et je lisais une explication d'Ibn Uthaymeen, j'ai fait ça une fois dans un charh, un dars que j'avais donné. Ibn Uthaymeen expliquait dans ce livre qu'il faut toujours voir quand tu veux faire preuve d'indulgence et pour pardonner quelqu'un, regarde, est-ce que ça va amener plus de maslaha ou de mafsada, plus de bien ou de mal. Si tu penses qu'en pardonnant la personne, ça va faire plus d'islah, ça va faire plus de bien, alors ok. Mais si tu vois qu'en pardonnant cette personne et en la laissant aller, elle va continuer dans son erreur et elle va faire plus de mal, dans ce cas-là, il ne faut pas la laisser, il ne faut pas la pardonner. Et il a donné l'exemple d'une personne qui, par exemple, allait faire un accident, il frappait les gens avec sa voiture parce qu'il roule à 100 000 à l'heure sans faire attention, hein, et que ça lui dérange pas du tout d'avoir fait ça. Il a aucun remords. Celui-là, tu ne pardonnes pas. Tandis que celui qui fait très attention, qui est prudent et tout, puis par accident, il fait ça, puis tu sens que la personne, elle a des remords et tout, puis tu fais preuve d'indulgence et de pardon envers elle, là, avec cette personne-là, c'est correct. Parce que tu sais qu'elle a vraiment des remords et elle sait qu'elle a fait quelque chose de mal. Donc, il faut voir, quand tu dis que tu vas pardonner quelqu'un, il faut voir qu'il va y avoir du bien qui va en sortir. C'est pas juste, tu dis, ah c'est mon frère en islam, j'accepte tout ce qu'il fait, et je le couvre et je le protège. Hein? Il dit, c'est ton frère en islam. Hein? Même si c'est mon frère en islam, si c'est un criminel, c'est un criminel. Hein? Un criminel kafir, un criminel musulman, c'est un criminel. Hein? Et donc, c'est pas parce qu'il est musulman qu'on doit plus le couvrir ou le protéger, qu'un kafir, hein, dans ce sens-là. Donc il y a des gens comme ça qui se laissent tromper. Et puis donc aussi, il faut faire attention aussi de nos jours. Des fois, il y a des gens qui parlent bien, tu vois, c'est des bons parleurs, surtout à l'époque actuelle. Et ils ont des bonnes choses. Il y en a qui vont voir des gens qui ont fait beaucoup de bien pour l'islam, soi-disant, et qui se disent salafis, et qui appellent à l'islam, puis qui opposent beaucoup de fondements de la da'wah salafia. Puis après ça, quand tu leur dis, écoutez, celui-là, les ulama ont averti à son sujet et ils ont dit par exemple que celui-là, il s'oppose à plein de principes des fondements de la da'wah salafia et on lui a donné le nasiha plusieurs fois, mais il refuse avec beaucoup d'entêtement, puis beaucoup d'orgueil et d'arrogance, et il attaque ceux qui le critiquent et qui lui montrent ses erreurs et qu'il refuse de revenir. Alors les ulama ont dit, il ne faut pas prendre de lui. Eux, ils acceptent pas ça. Ils ont fait beaucoup de bien. Mais même s'ils ont fait beaucoup de bien, à cause de son attitude, on voit qu'il y a un problème dans sa sincérité, il y a un problème dans sa compréhension, il y a un problème dans sa façon de suivre l'islam. Parce que s'il était sincère, quand il fait une erreur, il la reconnaît, il se corrige et il revient au droit chemin. C'est pas, il continue, il s'entête, il se remplit d'orgueil et puis il critique tous ceux qui sont contre lui, même si ce sont des gens qui lui veulent du bien. Donc ça, c'est important aussi de comprendre ça. De ne pas s'attacher aux personnes, mais de s'attacher à la vérité, avant de s'attacher aux personnes. Donc ça, c'est en général, c'est ça que le cheikh il dit. Lorsque tu vois, par exemple, une question, il faut que tu l'étudies comme il faut, et que tu la comprennes comme il faut avant de l'adopter et de la supporter, pour être certain que cette position-là, elle est correcte. Et comment tu fais pour l'analyser, cette question-là? Eh bien, tu la ramènes au Coran et à la Sunna, si tu es capable et si tu connais, tu la ramènes au Coran et à la Sunna pour l'analyser comme il faut. Si tu n'es pas capable de le faire, tu ramènes cette question aux savants de l'islam, aux ulama, qui ont du ilm et qui ont de la compréhension, et eux, ils vont te faire, ils vont t'aider à distinguer entre ce qui est correct et ce qui est incorrect de ces positions-là. Et ça, c'est une obligation pour nous, pour pas qu'on se fasse tromper par des bons slogans et des belles expressions qui sont parfois, des faussetés qui sont recouvertes par des belles paroles, mais qu'à l'intérieur d'elles, il y a toutes sortes de poisons ou de choses fausses qui sont à l'intérieur. Et donc, le cheikh, il dit, donc, dans ce cas-là, il faut faire bien attention. Si on est capable, alhamdulillah, si on n'est pas capable, on demande aux ulama et eux, ils vont nous aider à comprendre la vérité et le mensonge. Hein. Et surtout pour les musulmans qui ne parlent pas arabe, qui ne sont pas arabophones, quand ils ont des gens qui leur parlent de l'islam parfois, c'est vrai, il y en a des gens qui s'expriment très bien en français, parfois ils ont un bon langage, mais ils sont des bons philosophes, ils s'expliquent bien, hein, mais ils n'ont pas aucun ilm de l'islam, et aucun ilm de la aqida, hein, aqida des salafs, et aucune connaissance du manhaj. Et ils mélangent les gens avec toutes sortes d'expressions et d'idées qui ne sont pas en accord avec l'islam, mais les gens qui ne connaissent pas l'arabe, souvent, ne sont pas capables de retourner aux sources. Et même parmi ceux qui parlent arabe, eh ben, eux aussi, ils ont beaucoup de misère à distinguer entre le vrai et le faux parce que il leur manque les fondements. Ils n'ont pas les bons fondements. Alors, ils savent pas comment distinguer entre al-haq et al-batil parce qu'ils n'ont pas les bons repères. Ils n'ont pas les bons repères. Donc, le shaykh dit, wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, إذا أراد الله أن يوحي بالأمر هذا فيه إثبات الإرادة لله سبحانه وتعالى وهي صفة من صفاته دلت عليها الآيات القرآنية والأحاديث النبوية فالله جل وعلا له إرادة وإرادته على نوعين إرادة كونية بها يخلق ويرزق ويهدي ويضل ويحيي ويميت وإرادة شرعية دينية بها يأمر عباده بما يصلحهم وينهاهم عما يضرهم مثل قوله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر هذه إرادة دينية كما فضل ذلك أهل العلم أو فصل ذلك أهل العلم. Le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala quand il veut, il explique le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit quand Allah veut révéler quelque chose, hein, et donc le cheikh il explique que dans cette parole là il y a la preuve que Allah subhanahu wa ta'ala a comme attribut, la volonté. Il a une volonté, Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est une de ses attributs qui est affirmée par le Coran et par la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala, sa volonté est de deux catégories. La volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala est de deux catégories. La première volonté, c'est la volonté dans sa création, et c'est par celle qu'on appelle kawniya, la volonté al-kawniya, c'est-à-dire par laquelle il a créé la création. Parce que al-kawniya, ça vient de le fait que Allah subhanahu wa ta'ala il dit kun fayakun, hein. Et donc par cette volonté-là, il crée et il donne sa subsistance à qui il veut, il guide et il égare, il fait vivre et il fait mourir. Et il a une autre volonté, ou bien une autre catégorie de volonté qui est la volonté religieuse, qui est révélée dans la charia. Et cette volonté-là, c'est cette volonté-là par laquelle il commande à ses serviteurs ce qui est bon pour eux et qui leur interdit ce qui est mauvais pour eux. D'accord? Et cette volonté qui est diniya, eh bien, on la connaît par la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, par le message que ces prophètes ont amené dans le Coran et dans la Sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh il donne des exemples de ça comme le verset 26 et 27 dans Sourate An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala veut clarifier pour vous et vous guider vers les voies de ceux qui étaient là avant vous, et il veut accepter votre repentance, et Allah subhanahu wa ta'ala est sage et omniscient et sage, et Allah subhanahu wa ta'ala يريد أن يتوب عليكم. هذه الله سبحانه وتعالى يريد accepter de vous votre repentance. Il veut que vous vous repentiez. ويريد الله بكم اليسر. Il veut pour vous la facilité. Il ne veut pas pour vous la difficulté. Ça c'est le verset 185 dans sourate Al-Baqarah. Et ça donc c'est la volonté religieuse. C'est-à-dire la volonté qu'on connaît par la révélation. La volonté qu'on connaît par la révélation, elle est différente de la volonté qu'on appelle kawniya, parce que al-irada al-kawniya, il y a beaucoup de gens qui font pas de distinction entre ces deux choses-là. Pourtant, c'est très important de le distinguer, parce que si on le distingue pas, on n'arrive pas à comprendre beaucoup de points qui sont très importants dans la aqida de Ahl-Sunnah wal-Jama'a. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa volonté qu'on appelle al-irada al-kawniya, il veut que certaines choses se produisent qui sont contraires parfois à qu'est-ce qu'il nous a commandé. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a révélé des livres et des prophètes qui nous ordonnent de croire en lui et qui nous ordonnent de l'obéir et qui nous ordonnent de faire tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime, et qui nous informe en même temps de ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime, et qui nous interdit de faire ce qui est mauvais, de faire ce qui est haram, et qui nous informe de ce que Allah subhanahu wa ta'ala déteste, d'accord. Tout ça, on ne veut pas le savoir excepté par la révélation. C'est pas possible de savoir qu'est-ce que Allah veut et qu'est-ce qu'il ne veut pas, dans le sens de qu'est-ce qu'il a permis et de qu'est-ce qu'il a interdit, de qu'est-ce qu'il aime et de qu'est-ce qu'il déteste, excepté par sa révélation. Parce que dans la création, Allah subhanahu wa ta'ala a permis à certaines choses de se produire qui sont contraires à sa révélation. D'accord? Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu qu'il y ait des kuffars, il a voulu qu'il y ait des mu'minin. Ça c'est dans l'irada al-kawniya. Mais Shar'an, Allah subhanahu wa ta'ala, il veut qu'on soit croyant. Hein? Et donc, ça c'est très important de distinguer entre ces deux choses-là. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime les mu'minis et il n'aime pas les kafirines. Il a dit dans le Coran, d'accord? Et pourtant, il a créé les kafirines. Mais bien entendu, tout ce qu'il a créé comme ça, qui est contraire à ce qu'il aime, eh bien il l'a créé pour une sagesse. Il a créé pour tester les hommes, d'accord? Il y a une sagesse derrière ça. Mais il y en a des gens qui ne comprennent pas cette distinction-là et qui s'imaginent que ce que Allah subhanahu wa ta'ala a créé, tel que ça se produit dans la création, c'est un signe que tout ce qui se passe, ça veut dire que Allah l'aime. Et ça c'est faux. Donc il y en a qui disent, si les chrétiens sont chrétiens, c'est parce que Allah l'a voulu. C'est vrai, Allah l'a voulu. Mais est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut que ces gens-là fassent le shirk et qu'ils associent Isa avec lui dans l'adoration? Et est-ce qu'il est satisfait de ça? Et est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'ils restent dans cet égarement et dans ce kufr? Ou bien il veut de leur part qu'ils cessent de faire le shirk et qu'ils rentrent dans la foi et qu'ils acceptent la foi au messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et la foi en l'islam et en le Coran? Bien sûr que oui, puisqu'il leur a ordonné de faire ça dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحَ ابْنُ مَرْيَمَ. Et il a dit, يَا أَهْلَ الْكِتَابِ, يعني, il y a beaucoup de versets qui s'adressent à أَهْلَ الْكِتَابِ, يَا أَهْلَ الْكِتَابِ, لِمَ تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala, il ordonne aux gens du livre de ne pas cacher la vérité et de l'accepter. Donc ça c'est des signes que Allah subhanahu wa ta'ala, il les a créés, c'est vrai qu'ils sont kuffars, mais ça ne veut pas dire qu'il est satisfait de ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَاهُ لَكُمْ. Donc c'est ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, si vous rejetez la foi, alors Yani Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de vous. Il est riche, il se suffit à lui-même, il n'a pas besoin de vous. Voilà, il yarda les ibadih el kufr, mais il n'est pas satisfait de la mécréance de ses serviteurs. Il n'est pas satisfait de la mécréance de ses serviteurs. Ou in tashkuru yardahu lakum. Mais si vous êtes reconnaissant, il sera satisfait, hein, de votre part. Donc ça, c'est important de bien comprendre et de distinguer entre ces deux formes de volonté. Parce que si tu distingues pas ça, eh bien, tu vas justifier, tu vas croire que Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte la mécréance des mécréants et que tout ce qui se produit dans l'univers, Allah subhanahu wa ta'ala est en accord avec ça. Après, il dit donc, إِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يُوحِي بِالْأَمْرِ أَنْ يُوحِي, le Cheikh dit, الوحي هو الإعلام بسرعة وخفاء وهو على نوعين وحي إلهام ووحي إرسال. وحي الإلهام يكون بإلهام الله بعض المخلوقات ببعض الأمور مثل قوله تعالى وأوحى ربك إلى النحل أي ألهمها ومثل قوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي أو أن أرضعي فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. وألهم الله أم موسى أن تعمل هذا العمل بولدها لما ولدته, وكان فرعون يقتل الذكور, فالله ألهمها أن تعمل هذا العمل من أجل نجاة موسى من هذا الجبار. أما وحي الإرسال فهو الذي ينزل به جبريل إلى الرسل بالأمر, أي بالشأن من شؤون الكون والمخلوقات, أو بالأمر من الوحي المنزل على الرسل فهو عام. لشيخ الزي que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il, dans ce hadith, il dit qu'il envoie la révélation. Et la révélation, c'est de donner une information rapide et de façon secrète, si on veut, bifafa. Il dit, c'est de deux catégories, il y a deux catégories. Une révélation qui est inspirée et une révélation qui est révélée. Et la révélation qui est inspirée, c'est une inspiration que Allah subhanahu wa ta'ala donne à certaines de ses créatures, comme dans le verset de Surat al-Nahl, Allah subhanahu wa ta'ala dit que Allah a inspiré à l'abeille de faire ce qu'elle fait. Et l'exemple aussi de la mère de Moïse, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala lui a inspiré de mettre le bébé dans le panier pour l'envoyer sur le ruisseau ou le lac. Parce que, bien entendu, Pharaon faisait tuer tous les premiers-nés, tous les bébés naissants, les garçons, et elle, pour le sauver, Allah subhanahu wa ta'ala lui a inspiré de faire ça. Et donc, en ce qui concerne la révélation qui est révélée, qui est envoyée par Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien celle-là, c'est lorsque Allah subhanahu wa ta'ala l'envoie par l'intermédiaire de Jibril alayhi salam. Et bil-amr ay bil-shan min shu'un al-kawn wal-makhluqat, ça c'est-à-dire avec le commandement ou l'affaire. Et c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala des fois il commande certaines choses, soit par la création ou bien à ses créatures, il dit qu'il leur envoie un commandement par la révélation et par les messagers. Et ça c'est général, mais il dit que le commandement il est de deux catégories. فَالْأَمْرُ نَوْعَيْنِ كَوْنِي وَشَرْعِي. Il y a un commandement qui est par sa création et un commandement qui a rapport avec la révélation. Mais il ne détaille pas plus que ça. C'est comme al-irada, la même chose. Ok, l'irada, il y en a une qui est kawniya et shara'iya, et la même chose pour le commandement. Il y en a un qui est kawni, c'est quand il crée les choses, et en a un commandant. Parce que le commandement qui est kauni, ça n'a pas le choix de se produire. C'est obligatoire que ça doit se produire. Tandis que l'amr qui est shar'i, eh ben, c'est l'ordre qu'il envoie par ses révélations. Et là, lorsque toi tu sais que Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné par exemple de croire en lui, et de faire la salat, et de donner la zakat, ça c'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est pas un ordre kauni, parce que si c'était kauni, tu n'aurais pas le choix de le faire. Mais c'est un commandement qui est shar'i parce que c'est envoyé par la révélation. Et par la suite, une fois que tu reçois ce commandement-là, c'est obligatoire pour toi de l'obéir ou de l'implémenter. Toutefois, Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés avec une volonté et avec une capacité de faire ou de ne pas faire. Et donc, c'est pour ça que c'est ça qui distingue les deux. الأمر الكوني والأمر الشرعي. أبخيذي وتكلم بالوحي تكلما يليق بجلاله وهذا فيه إثبات الكلام لله وأخذت السماوات منه رجفة أي أو قال ردعة أو رعدة pardon رعدة شديدة وهذا شك من الراوي أي إذا سمعت كلام الله يصيبها خوف وهيبة لكلام الله وهذا فيه أن الجمادات تدرك عظمة ربها وتسبحه وتعظمه كما قال تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن كما قال تعالى في قوله ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين في هذا أن السماوات والأرض تتكلم وأنها تسبح كما قال تعالى وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله فإذا سمع ذلك أهل السماوات يعني سمع الملائكة كلام الله أيضا صعقوا بمعنى أنهم يغشى عليهم من الخوف من الله والهيبة والجلال. Donc le cheikh il dit que lorsque les cieux entendent la voix d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont pris par ils sont foudroyés, yani ils sont pris d'une grande crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est la preuve, comme le cheikh il dit, que Allah subhanahu wa ta'ala, il parle et que sa parole est audible, et en même temps, ils sont pris donc d'une grande crainte et d'un grand effroi par rapport à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ça c'est la preuve que même les êtres inertes, hein, qui n'ont pas de vie, eh ben, ils ressentent quand même eux aussi la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils connaissent sa grandeur, et en même temps, ils glorifient et ils exaltent Allah subhanahu wa ta'ala et ils le respectent, ils respectent leur créateur. Et ils mentionnent des versets qui prouvent que les cieux et les sept terres, les sept cieux et la terre glorifient Allah subhanahu wa ta'ala et chantent ses louanges. Et tout ce qui est à l'intérieur de la création glorifie Allah subhanahu wa ta'ala, comme Allah dit dans le Coran, وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. Vous ne pouvez pas comprendre leur glorification ou leur tasbih, mais ils ont leur façon de faire leur tasbih. Et il dit que les cieux et la terre, il manque peu pour que les cieux et la terre, pour que les cieux se fendent, hein, commence à trembler ou à craquer. Donc, c'est pour dire que les cieux, ils craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Puis, il y a beaucoup d'autres exemples de ça dans le Coran. Et il mentionne le verset 11 dans le sourate As-Saff. Puis, Allah s'est élevé au-delà des cieux, alors qu'elles étaient en fumée. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné à la terre et aux cieux de l'obéir, hein, de lui obéir. En fait, il leur a donné un commandement, Allah a donné un commandement aux cieux et à la terre, et il leur a ordonné de venir et bon gré, mal gré, hein, ça veut dire ils n'ont pas le choix d'obéir. Et les deux ont répondu, nous venons obéissant. C'est-à-dire les cieux et la terre ont répondu et ont dit, nous venons en obéissance. Et le cheikh dit donc qu'il y a la preuve que les cieux et la terre parlent et qu'elles glorifient Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Donc, même nous, on ne peut pas comprendre et on ne sait pas comment ils parlent, mais ils ont une façon de parler alors, hein, qu'on ne comprend pas ou qu'on ne connaît pas. Après, il dit que également elle glorifie Allah subhanahu wa ta'ala. Et il donne le verset dans Surat al-Baqarah qu'il y a parmi des pierres, certaines pierres qui laissent éclater ou qui laissent sortir l'eau, hein, comme qui laissent sortir des ruisseaux à travers elles, et il y en a d'autres qui se fendent et qui laissent sortir l'eau, jaillir l'eau de ces pierres-là, et il y en a d'autres qui se craquent ou qui se fendent par la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a des pierres qui craquent par la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, et le cheikh il dit par la suite que lorsque les cieux, les habitants des cieux entendent la parole d'Allah, c'est-à-dire les anges, ils sont foudroyés, hein, ils tombent sans connaissance, hein, à cause de la crainte qu'ils ont d'Allah subhanahu wa ta'ala et du respect qu'ils ont pour lui. Wa kharru lillah, hein, ils se prosternent, hein, ils tombent en prosternation. Sujadan ala wujuhihim ta'ziman lillahi wa ta'abbudan lillah. Donc ils tombent en prosternation pour Allah subhanahu wa ta'ala par respect et par adoration. Wa qad yakunu as-sujud qabla as-sa'iq wa qad yakunu ba'da as-sa'iq li'anna al-wa'u la yaqtadi at-tartib. Wa fi hadha dalil ala anna al-mala'ika 'ibadullah yakhafunahu wa yahabunahu. Il dit que peut-être ils peuvent se prosterner, peut-être que c'est avant qu'ils soient foudroyés ou peut-être c'est après, parce que le waou, il dit dans ce hadith-là, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est en ordre, qu'il y a un ordre. Ici c'est le waou. Après il dit que al-mala'ika, les anges, ils sont, ça c'est la preuve que les anges sont des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils le craignent et qu'ils ont un grand respect pour Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin idha kunta tu idha mathalan anta, comme par exemple ana aqul sa ashrahuha bil lughat al fransiya thumma non, la prière, le Père dit, il a entendu que c'est irada kawniya et sharaiya en même temps. Puis, dans ce cas-là, ça veut dire que c'est kawniya, c'est sharaiya dans le sens que Allah t'a ordonné de faire la salat par l'intermédiaire du messager. Et dans le Coran, tu trouves ça, dans la sunna aussi. Donc, c'est kawniya, il n'y a pas de doute. C'est sharaiya, il n'y a pas de doute. Toutefois, si tu l'appliques, cette salat, comme par exemple, la prière de Maghrib, tu l'as fait avec nous, donc dans ce cas-là, c'est les deux iradat se sont réunis dans ce cas-là. Kawniya et Shara'iya, parce que Kawniya, parce que tu l'as fait, ça prouve que Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a voulu, Kawnan, et Shara'an, il l'a voulu, puisque c'est une obligation qui est révélée par ses messagers. D'accord? Mais pour le kafir, il n'a pas fait la salat. Donc Allah n'a pas voulu qawlan qu'il se fasse la salat, mais shar'an il l'a voulu, parce que s'il aurait pas, il l'a voulu puisque il l'a révélé dans sa révélation, il a ordonné aux kuffar de croire et de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans ce sens-là, ouais, il a voulu, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu Kaudan qu'il ne fasse pas la prière à ce moment-là. Mais Shar'an, il a voulu qu'il fasse la prière, dans ce sens-là. D'accord? Parce que quelqu'un ne peut pas obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, ou désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, excepté par la permission d'Allah. Parce qu'il n'y a rien qui se produit dans l'univers, excepté que c'est Allah qui le permet, qui le veut. D'accord? C'est pas comme ce qui nie Al-Qadar, hein, ou la toute puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mm-hmm. il l'a choisi, mais non, c'est sûr, il n'y a pas de... Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, il dit, فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا يَدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ. C'est-à-dire, tu ne peux pas vouloir accepter si Allah l'a voulu. Okay? L'être humain, il a une volonté, mais sa volonté, elle est soumise à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a donné la volonté, il t'a donné la capacité, la raison, il t'a donné les yeux, les oreilles, le cœur pour réfléchir. Ça veut dire, tu vois l'épreuve, si tu es sincère et tu veux la vérité, tu vas prendre les moyens qu'il faut pour être guidé, et Allah subhanahu wa ta'ala va te guider. Mais si tu ne veux pas être guidé, hein, et tu ne fais pas les moyens qu'il faut pour être guidé, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas guider, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est juste. Hein, il est juste. Et donc, il te guide, il guide, si tu vois, si tu, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ça dans plusieurs versets. Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Il dit, وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهِ. Il dit, فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. Et donc, beaucoup d'exemples comme ça qui montrent que celui qui veut la guidance, Allah lui facilite. Et celui qui veut le garment, Allah lui facilite. Allah subhanahu wa ta'ala dit, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Donc, tu veux le bien, tu fais le bien, Allah te facilite le bien. Et si tu veux le mal, tu fais le mal, Allah te facilite le mal. D'accord? Mais bien entendu, tout ça c'est par la volonté et par la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Et donc, comme on dit, il n'y a rien qui se produit, excepté que c'est Allah qui l'a voulu. Si le cas, c'est le cas. Toute chose, c'est comme on peut dire, toujours les règles, on retourne toujours au principe de Al-Qadha ou Al-Qadar, par exemple. Et on dit qu'il y a quatre conditions pour dire qu'on croit en Al-Qadha ou Al-Qadar. La première, c'est que tu sais que Allah a tout ce qui se passe, il l'a voulu, il l'a su. Allah sait toute chose dans le passé et dans l'avenir. Il a su, il sait qui va aller en enfer et qui va aller au paradis. Donc il a su que ce kafir, il allait être kafir. Et qu'il allait en enfer. Non seulement il a su, mais il a écrit ça. Hein? Et non seulement qu'il l'a écrit, mais il l'a voulu. Hein? Si, il l'a voulu, Al-Mashi'a. Et cinquièmement, c'est lui qui a créé ça. Cette action-là. Quatrièmement, oui. Donc, c'est ça. Ça sort pas de ça. Allahu a'lam. Et après, le cheikh, il dit, na'am, donc il tombe passionné. وفي هذا رد على المشركين الذين يعبدون الملائكة ويزعمون أن الملائكة تقربهم من الله كما يقرب خاصة الملوك إلى الملوك ومن يريد قضاء حاجته منهم قاسوا الخالق على المخلوقين تعالى الله عما يقولون فهذا فيه رد عليهم وهو أن الملائكة عباد الله عباد كما قال تعالى بل عباد مكرمون عباد من عباد الله يخافون من الله ويسجدون له والعبد لا يجوز أن يعبد ولا أن يدعى ويستغاث به وإنما يعبد الله فقط هذا هو الذي ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث من أجله هذا هو السبب الذي ساق هذا الحديث من أجله وهو الرد على المشركين الذين يتعلقون على المخلوقين في قضاء الحاجات التي لا يقدر عليها إلا الله وتفريج الكربات وهو أنه إذا كانت الملائكة مع عظمتهم وقوتهم ومكانتهم بما فيهم جبريل كانوا بهذه المثابة إذا سمعوا كلام الله دل على أنهم ليس لهم من الأمر شيء وأنه لا يجوز أن يدعى ويستغاث بهم أو التقرب إليهم بالعبادة أو الذبح أو النذر أو غير ذلك كل هذا باطل وشرك أكبر وفيه دليل على أن السماوات متعددة وأنها سبع طباق كما قال تعالى ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وقال تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن والذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ولكل سماء سكان من الملائكة. Donc le cheikh il dit que Allah le cheikh il dit que dans ce chapitre le cheikh a voulu montrer ou répondre aux mushrikins qui adorent les anges hein, et qui pensent que les anges peuvent les rapprocher d'Allah. De la même façon que les gens qui sont proches d'un roi peuvent les rapprocher du roi. Hein, comme le roi il a des conseillers, des gens qui sont autour de lui, des ministres, et ben si tu les connais, ils sont capables de te rapprocher pour aller faire rencontrer le roi, et ben eux ils s'imaginent un petit peu que c'est la même chose avec les anges. Donc ils s'imaginent que les anges sont prêts d'Allah subhanahu wa ta'ala et donc que si tu as besoin de quelque chose, ils sont capables de ramener ta demande à Allah subhanahu wa ta'ala et de régler ton problème et de te donner ce que tu veux. Donc ils ont fait un genre d'analogie entre le Créateur et les créatures et donc que Allah soit exalté et purifié de ce genre de comparaison et d'analogie qui est totalement fausse. Et le cheikh il dit qu'il y a dans ça également une réponse, une réfutation à ceux qui font le shirk avec les anges, parce qu'on voit que les anges en réalité ne sont que des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala et des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. بل عباد مكرمون ce sont des nobles serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala hein, des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils craignent Allah et ils se prosternent à Allah et donc c'est pas permis pour quelqu'un de se prosterner devant une créature ou d'invoquer une créature ou de chercher le secours d'une créature, mais c'est uniquement Allah subhanahu wa ta'ala qu'on doit adorer. Et donc ça c'est qu'est-ce que le cheikh a mentionné comme hadith, et c'est ça le but pour lequel il l'a mentionné, pour répondre aux mushrikins qui s'accrochent aux créatures plutôt que de s'accrocher à Allah subhanahu wa ta'ala, et qui leur demande à ces créatures-là de les sauver, de régler leurs problèmes, et qui croient que ils peuvent les sortir de leur malheur lorsqu'ils ont un grand malheur, alors que c'est uniquement Allah subhanahu wa ta'ala qui est capable de faire une chose pareille. Si c'est le cas pour les anges, c'est-à-dire si c'est le cas que les anges, malgré leur grandeur, malgré leur force et leur puissance, malgré leur proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala et leur statut, malgré tout ça, ils ne peuvent rien faire pour toi, ils n'ont aucun contrôle, hein, et ben, qu'est-ce que tu peux dire d'autres créatures qui sont en bas et moins que ces anges-là, ils peuvent encore moins faire quoi que ce soit pour toi que les anges, d'accord. Donc c'est ça ce que le cheikh a voulu montrer en fait en utilisant ce hadith-là, pour dire que lorsque les anges entendent la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont pris de crainte et ils se prosternent et ils se soumettent à Allah subhanahu wa ta'ala, donc ça veut dire qu'ils ne méritent pas d'être adorés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'on ne doit pas les invoquer ou leur demander l'aide, le secours, et de se rapprocher à eux par l'adoration ou en leur sacrifiant un animal ou en faisant un vœu pour eux ou des trucs de ce genre. Tout ça c'est faux et tout ça c'est shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. On a dit qu'il y a aussi une preuve là-dedans que les cieux sont en différents niveaux. Il y a différents niveaux parmi les cieux. Allah subhanahu wa ta'ala a créé sept cieux, un par-dessus l'autre, d'accord. Et c'est mentionné dans plusieurs versets, comme dans Surat Nuh, le verset 15. N'as-tu pas vu comment Allah a créé sept cieux, un par-dessus l'autre. Et aussi la même chose dans Surat At-Talaq, hein, c'est lui qui a créé les sept cieux, et le même nombre de parmi les terres, hein, il a créé sept terres, sept cieux. Et aussi dans le verset, dans Surat al-Mulk, le verset 3, c'est lui qui a créé sept cieux, un par-dessus l'autre. Donc tout ça c'est la preuve que il y a plusieurs cieux, sept cieux, et que dans tous ces cieux-là, il y a des anges. Après il dit « فَيَكُونُ أَوَّلُ مَنْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ يَعْنِي مِنَ السُّجُودِ جِبْرِيلُ وَهُوَ أَعْظَمُ الْمَلَائِكَةِ وَهُوَ مُوَكِّلٌ بِالْوَحْيِ كما أن ميكائيل موكل بالقطر والنبات، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور، وكل نوع من الملائكة له عمل من ومنهم ملائكة ملائكة الموت، ورئيسهم ملك الموت، منهم ملائكة الموت ورئيسهم ملك الموت، ملك الموت نعم pardon ملك الموت، وتوفته رسلنا وهم لا يفرطون. قل يتوفاكم ملك الموت. Donc le cheikh il dit que les anges il dit que les anges, le premier d'entre eux qui relève sa tête, c'est Jibril. Quand ils sont foudroyés, le premier d'entre eux qui se relève de la prosternation, c'est Jibril alayhi salam. Et c'est le plus grand de tous les anges. Et c'est lui qui est chargé de la révélation. Tandis que Mikaïl, il est responsable des plantes et des gouttes d'eau qui tombent. Si je ne me trompe pas, c'est ça. Et Israfil, il est responsable de souffler dans la trompe au jugement dernier. C'est lui qui va souffler dans le clairon pour sonner le jugement dernier. Et il y a différentes catégories d'anges et ils ont chacun leur tâche et leur responsabilité. Parmi eux, il y en a qui sont chargés de la mort. Il y a des anges qui s'occupent de ramasser les âmes lorsque les gens meurent. Et leur chef, c'est l'ange de la mort. Et il mentionne le verset 61, il dit « Et nos messagers prennent leurs âmes et ils ne manquent pas à la tâche. » Ils sont toujours prêts à faire leur travail lorsque c'est le temps. Et les anges de la mort aussi, ils sont mentionnés dans le verset 11 dans sourate al-Sajda, « قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ » L'ange de la mort vient et il prend votre âme. Okay. وهناك ملائكة موكلون بالأجنة في الأرحام كما جاء في الحديث إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك في الطور الرابع ويؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فهؤلاء موكلون بالأجنة في الأرحام وهناك ملائكة موكلون بحفظ أعمال بني آدم بكتابة الحسنات والسيئات يلازمون بني آدم إلا في الأحوال الخاصة دائما معهم في الليل والنهار يكتبون ما يصدر منهم من أقوال وأفعال طيبة ورديئة وهؤلاء يسمون بالحفظة وهناك ملائكة موكلون بحفظ الإنسان بنفسه ويحفظون الإنسان من المخاطر ومن المؤذيات له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله نعم donc le chef il dit qu'il y a des anges qui sont chargés des fœtus dans le ventre de la mère lorsqu'elle est enceinte Et comme dans le hadith qui dit que votre création est rassemblée dans le ventre de votre mère, 40 jours c'est une nutfa et par la suite il se développe et il devient, car il reste 40 jours alaqa et mudra pendant 40 jours encore. Et à partir de ce moment-là, après 120 jours, l'ange vient pour souffler dans ce fœtus. L'âme est soufflée à partir du quatrième mois, c'est-à-dire 120 jours. Et il vient en même temps pour écrire c'est quoi le risque de ce fœtus, ça va être quoi sa subsistance, ça va être quoi son terme, c'est-à-dire quand est-ce c'est la durée de sa vie, c'est quoi ses actions, son action, et est-ce qu'il va être heureux ou malheureux. Donc tout ça c'est écrit à ce moment-là, et ça c'est fait par les anges qui sont responsables des fœtus dans leur ventre, dans le ventre des mères, lorsque le bébé commence à se développer. Après il y a des anges qui sont chargés de prendre note des actions des créatures, des êtres humains. Tout ce que tu fais dans ta vie, il y a un ange qui écrit à droite et à gauche de toi, qui se tient et qui prend en œuvre de tout ce que tu fais et tout ce que tu dis, des bonnes choses et des mauvaises choses, et ils sont avec toi jour et nuit, excepté dans certains moments où il y a un mythe dans des moments d'intimité ou des trucs comme ça, là ils s'écartent, mais sinon à part ça ils sont avec toi et ils écrivent tout. Et on les appelle Al-Hafaza, c'est des anges qui prennent en note et qui préservent toutes les informations qui te concernent et à ton sujet. Et au jugement dernier, eh ben, on va te remettre ton livre, et en réalité c'est le livre de ta vie, de tout ce que tu as dit, de tout ce que tu as fait, que les anges ont pris en note sur toi. Il y a des anges aussi qui sont là pour protéger les êtres humains contre des dangers ou des choses de ce genre. Et ça c'est un exemple qui est mentionné dans le verset 11 dans Sourate Ar-Ra'd. Il y a des anges qui sont devant lui et derrière lui et qui le protègent contre l'ordre d'Allah, qui le protègent par l'ordre d'Allah ou de l'ordre d'Allah. Et il y a d'autres catégories d'anges aussi. Il y a des anges que seul Allah connaît. Il y a d'autres catégories que seul Allah connaît. ثم يمر جبريل على الملائكة، هذا فيه فضل جبريل عليه السلام، وأن الله اختصه وائتمنه بائتمانه على الوحي، وأن أهل السماوات يسألونه، هذا دليل على فضله، كما قال تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، يعني إذا ذا مكانة عند الله سبحانه وتعالى مطاع ثم مطاع ثم أمين، أي في الملأ الأعلى تطيعه الملائكة، أمين على الوحي لا يزيد فيه ولا ينقص عليه الصلاة والسلام. Donc Jibril par la suite il passe près des autres anges et il y a donc un signe que Jibril il a un mérite par rapport aux autres anges, et que Allah subhanahu wa ta'ala l'a choisi ou lui a donné disons une place particulière parmi les autres anges, et il lui a donné la charge ou le dépôt ou la responsabilité de s'occuper de la révélation, et ça c'est comme s'il lui a fait confiance avec cette charge là ou avec cette responsabilité là. Et il dit que les habitants du ciel demandent à Jibril par la suite qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Et il y a dans ça aussi une autre preuve du mérite de Jibril. C'est un messager qui est noble, et il a une autorité auprès d'Allah, c'est-à-dire il est à une place bien élevé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Makin, ça veut dire il a un statut élevé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Zi quwwatin 'inda dhil 'arshi makin. Dhil 'arsh, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui possède le trône, et makin, ça veut dire qu'il a une position élevée auprès d'Allah. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Fil mala'il a'la. OK, il est parmi les notables qui sont très élevés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et les anges l'obéissent, les anges le respectent et l'obéissent, et il est amin, c'est-à-dire il est fiable, on lui fait confiance pour la révélation, il ne rajoute rien et n'enlève rien, que la paix et le salut soient sur lui. كلما مر بسماء هذا فيه كما هذا كما سبق فيه دليل على تعدد السماوات سأله ملائكتها هذا فيه دليل على أن لكل سماء ملائكة خاصين بها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل تعظيما لله سبحانه وتعالى وهذا فيه دليل على أن كلام الله حق لا ريب فيه وأن الملائكة لا تعلم الغيب ولذلك تسأل جبريل وهو العلي وهذا فيه إثبات العلو لله والعلو ثلاثة أقسام علو الذات وعلو القدر وعلو القهر كلها ثابتة فهو علي بذاته فوق مخلوقاته وهو علي القدر وهو علي القهر وهو القاهر فوق عباده وبجميع أنواع العلو وأهل السنة والجماعة يثبتون العلو بأنواعه الثلاثة أما المبتدعة فلا يثبتون إلا علو القدر وعلو القهر فقط أما علو الذات فينفونه ولا يثبتون العلو لله عز وجل تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا الشيخ يقول que chaque fois que Jibril arrive à un autre ciel, il descend vers les autres cieux, les anges lui demandent ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et donc il y a la preuve que dans chaque ciel, il y a des anges qui sont spécifiques à ce ciel-là. Et il demande qu'est-ce que notre Seigneur a dit au Jibril, et Jibril répond, il a dit la vérité, et c'est lui le très haut, le très grand. Et ils répondent la même chose que Jibril. Hein, ils répètent la même chose que Jibril par respect pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et هذا فيه دليل على أن كلام الله حق لا ريب فيه. Il y a donc la preuve que la parole d'Allah est la vérité. Il n'y a pas de doute à ce sujet. Et que les anges ne connaissent pas l'invisible. Hein, puisqu'ils demandent à Jibril qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Et ou al-Ali, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le très haut, et il y a dans cet attribut-là le fait qu'on doit affirmer que Allah est très haut. Et ça, ça comprend trois aspects ou trois catégories de hauteur. Et il est haut, yani dans son être, c'est-à-dire lui-même, il est élevé au-dessus de sa création. Il est haut dans sa capacité, hein, il a toute la force et toute la capacité, et il est haut dans son pouvoir et dans sa puissance, et dans la façon qu'il peut contraindre qui il veut, il a le dessus sur toute chose. Et tout ça, on l'affirme pour Allah subhanahu wa ta'ala, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il est élevé au-dessus de toutes ses créatures, et il a la capacité et toute la force de faire ce qu'il veut. Donc on l'affirme, comme Allah dit, qu'il est Al-Qahir, le contraignant, au-dessus de ses serviteurs. Hein, on affirme donc toutes ces formes de hauteur et de ulou, comme on dit en arabe. Et nous, comme on dit Ahlul Sunnah al-Jama'a, on affirme ces trois-là. Tandis que les gens de Bid'a, ils n'affirment pas que Allah est au-dessus de sa création, ils n'affirment que la hauteur d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa capacité et dans son pouvoir ou sa force sur sa créature, mais il nie que Allah subhanahu wa ta'ala est au-delà de sa création, au-dessus de son trône. Donc, que Allah subhanahu wa ta'ala soit purifié de ce qu'il dit à son sujet. Après, il dit Al-Kabir, Al-Ladhi la akbar minhu, kullu al-makhluqat saghira bil-nisbati ila Allah, wa laysat bi shay, wa ma qadaru Allah hatta qadrih. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه هذا من عظمته. Le Cheikh il dit que Allah c'est le très grand, et ça montre que il n'y a rien qui est plus grand que Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes les créations sont petites par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, et elles ne sont rien par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il mentionne le verset dans surat Al-Fatir qui dit et ils n'ont pas respecté Allah ou donné à Allah le respect qui lui revient, hein, parce que au jugement dernier, il va faire une seule poignée dans sa main droite avec les cieux et la terre. Et toutes les cieux et la terre, il va les mettre dans sa main droite, comme dans une, et il va faire une poignée de main avec. Donc, ça veut dire que pour lui, pour Allah subhanahu wa ta'ala, la création c'est rien. Ok? C'est comme Ibn Abbas a dit, c'est comme un grain de sable dans la main d'un d'entre vous. Okay? Tout ce qu'il a créé, tout l'univers, tout ça qui existe, c'est comme un grain de sable dans la main de l'un d'entre vous. Donc c'est rien par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ça. Le Cheikh dit, فدل هذا الحديث على مسائل عظيمة. المسألة الأولى إثبات الكلام لله عز وجل، هذا بإجماع أهل السنة والجماعة لم يخالف فيه إلا المبتدعة. المسألة الثانية إثبات الإدراك للسماوات والخوف من الله وأنها تدرك عظمة الله وتخافه وهي جمادات كما دلت على ذلك الأدلة الأخرى فإذا كانت السماوات تخاف فكيف لا نخاف فكيف لا يخافه ابن آدم وهو ضعيف مسكين كيف لا يخاف من الله المسألة الثالثة وهي من المسألة التي ساق المصنف هذا الحديث من أجلها وفيه أن الملائكة يخافون من الله ويسجدون له فدل على أنهم عباد محتاجون إلى الله فقراء إلى الله فهذا يدل على بطلان دعائهم من دون الله واتخاذهم وسائط وشفعاء عند الله الملائكة يشفعون ولكن لا يشفعون إلا بإذن الله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى donc le chef il explique il dit en parlant des différents points bénéfiques qu'on peut tirer de ce deuxième hadith c'est que premièrement on affirme que Allah subhanahu wa ta'ala il a la parole comme attribut et ça c'est affirmé par le consensus des gens de Ahl-Sunnah wal Jama'ah et personne n'a contredit ça excepté les gens d'innovation les gens de bid'ah non les gens de Ahl-Sunnah wal Jama'ah ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala yatakallam bi sawtin wa harf et la preuve exactement, la preuve c'est que les anges entendent et il y a un hadith dans Sahih al-Bukhari qui dit que au jugement dernier Allah subhanahu wa ta'ala yunadi bi sawt yunadi bi sawt et ça c'est affirmé et la rencontre avec Moussa wa kallama Allah Moussa taklima et le Coran il est fait avec quoi avec des lettres et Jibril l'a entendu, il a récité au prophète sallallahu alayhi wa sallam avec des lettres. Allah l'a récité à Jibril, Jibril l'a récité au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Jibril l'a entendu d'Allah, et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a entendu de Jibril, et ainsi de suite. D'accord? Donc, ceux qui pensent que, par exemple, comme les gens de Bid'a, comme les Mu'tazila qui nient la parole d'Allah, et les Asha'ira qui disent qu'Allah ne parle pas, et que le Coran ce n'est pas la parole d'Allah que c'est créé, et que la parole d'Allah c'est pas avec des lettres ni des mots, et que c'est une seule parole qui est éternelle, qui n'a pas de début ni de fin, des trucs de ce genre, ça c'est de la philosophie. Ça n'a rien à voir avec la religion de l'islam, et c'est pas prouvé ni par le Coran, ni par la Sunna, ni par les explications des Salaf Salih. Donc, eux, les Asha'ira, ils divisent la parole en deux. Al-Kalam al-Nafsi, ou Al-Kalam al-Lafzi. Et ils disent que la parole c'est-à-dire la parole qui est à l'intérieur, et la parole qui est parler, qu'on peut entendre, qui est prononcé. Et ils disent que la parole qu'on récite, nous, qu'on prononce, quand on récite le Coran, ils disent que ça c'est créé. La seule qui est la parole d'Allah vraiment, c'est celle qui est incréée. Ils disent que c'est celle qui est à l'intérieur d'Allah qu'on ne peut pas entendre. Et donc c'est pour ça qu'ils divisent la parole en deux. Mais ça, c'est une bid'a déjà, de diviser la parole dans ces deux catégories-là, puis de prétendre que le Coran, c'est pas la parole d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, dans surat Tawbah, il dit, وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ C'est-à-dire, si un parmi les mushrikines te demande la protection, alors protège-le jusqu'à ce qu'il entende la parole d'Allah. Puis, par la suite, amène-le là où il cherche à aller. Donc, ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمُ لَا يَعْلَمُونَ Donc ça veut dire que Allah il a l'attribut de la parole et le Coran quand on récite la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas la parole d'autre que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais donc il y a beaucoup de choses à dire là-dessus mais on y reviendra peut-être une autre fois. Le cheikh il dit ensuite que le deuxième point dans ce hadith là c'est que les cieux Et en fait, tout ce qui est dans la création, ils peuvent ressentir et ils comprennent le respect et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même s'ils sont des êtres inertes, eh bien, ils ont quand même la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et le respect pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça a été prouvé par ce hadith, et dans beaucoup d'autres hadiths, on a la preuve de ça aussi. Et donc, il y a un signe là-dedans pour dire que si les cieux et la terre craignent Allah subhanahu wa ta'ala et tout ce qui est dedans, eh bien, pourquoi nous les êtres humains, alors qu'on n'est pas des êtres inertes, on est des êtres vivants, hein, on a des yeux, une bouche, un cœur, et on ne craint pas Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça prouve qu'on mérite encore plus que ces créatures inertes-là de craindre Allah, puisqu'on a tous les moyens qu'il faut pour le craindre. Et on est faible et miskin, comme le cheikh il dit. On est minable, on est petit, on est pauvre, on est faible devant Allah subhanahu wa ta'ala, tandis que c'est ceux-là qui sont immenses et qui sont inertes, eh bien, ils craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le frère il dit, c'est comme le verset qui dit, et si on avait fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'effondrer et se pulvériser par la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est un exemple pour te montrer que même eux, ils ont la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, les créateurs, tandis que nous, on est vivant, on a des yeux, on a une bouche, on est tout petit, on est minuscule par rapport à la terre, et on ne craint pas Allah subhanahu wa ta'ala. Après, le cheikh il dit, comme troisième point, et que c'est le but pour lequel le cheikh a mentionné ce chapitre, c'est que les anges ils craignent Allah, ils se prosternent à Allah subhanahu wa ta'ala, et donc ça prouve qu'ils sont des créatures et qu'ils sont, faibles et qu'ils ont besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont pauvres et ils sont indigents, ils ont besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si eux ils ont besoin d'Allah, on n'a pas le droit donc de les prendre comme des intermédiaires ou de les adorer et de les prendre comme des intercesseurs. En dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de les invoquer. Et le cheikh il dit, c'est vrai que les anges ont une intercession, ils auront une intercession. Toutefois, cette intercession-là, ils ne l'auront pas acceptée que par la permission d'Allah. Tu ne peux pas avoir l'intercession des anges, excepté si Allah a voulu. Et il mentionne le verset 62 dans Surat al-Najm, alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et combien d'anges dans les cieux, dont l'intercession ne pourra rien faire pour toi, ne sera d'aucune utilité pour toi, excepté après que Allah ait donné la permission et qu'il ait voulu et qu'il ait été satisfait. Inna min ba'di an ya'zana Allah liman yasha wa yarda. C'est trois conditions. C'est ça ce que le cheikh va expliquer ici. Fala tahsul ash-shafa'a 'inda Allah illa bi shartayn, al-izn bish-shafa'a war-ridha bil-mashfu'. بأن يكون المشروع فيه من أهل الإيمان أما الكافر فقال الله تعالى فيه فما تنفعهم شفاعة الشافعين وما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع وليس الله مثل ملوك الدنيا يشفع الشفعاء عندهم ولو لم يأذنوا ويضطر الملوك إلى قبول الشفاعة من أجل تأليف الكلمة ومن أجل حاجتهم للوزراء، أما الله عز وجل فإنه غني عن عباده، ولا أحد يتقدم بالشفاعة عنده إلا بإذنه، ومحمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق في يوم القيامة في المحشر، إذا تقدمت الخلائق إلى محمد صلى الله عليه وسلم تطلب منه الشفاعة لفصل القضاء، لا يشفع إلا بعد أن يشجر لله، أن يسجد لله ويحمد الله بمحامد عظيمة ويدعوه بدعاء ثم يقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع فالشفاعة ملك لله قل لله الشفاعة جميعا تطلب الشفاعة من الله وتقول اللهم شفع في نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم وشفع في عبادك الصالحين تطلبها من الله أما أن تقول بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم يا محمد اشفع لي أو يا فلان اشفع لي تطلبها من الميت فهذا لا يجوز وطلب الشفاعة من القبور شرك أكبر. أما الحي فتطلب منه الشفاعة بأن يطلب منه أو يدعو الله لمن احتاج إلى ذلك. أما الميت فلا يقدر على دعاء ولا يطلب منه شيء. Donc le chef il explique, il dit qu'il faut qu'il y ait deux conditions pour que Allah accepte qu'il y ait en ta faveur une intercession qui se produise. La première condition c'est que il faut que Allah ait donné la permission à la personne, il faut que Allah ait donné la permission pour qu'il y ait une intercession en ta faveur. Et il faut qu'il soit satisfait de toi ou de la personne pour qui l'intercession est faite. Donc si la personne pour qui on fait l'intercession est un mu'min, Allah il va le permettre. Toutefois si, yani, toutefois si c'est un kafir, Allah n'accepte pas qu'il y ait en sa faveur une intercession. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran à propos des kuffar, dans le verset 48 dans Surat Al-Muddathir, فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. Ça veut dire que les intercesseurs, leur intercession ne sera d'aucune utilité pour eux, pour ceux qui ont été des kuffars. وَمَا لِلْظَالِمِينَ. Les injustes n'auront aucun ami chaleureux ni aucun intercesseur pour intercéder en leur faveur. Ça c'est le verset 18 dans Surat Ghafir. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas comparable aux rois qui sont dans ce monde. Les rois qui sont dans ce monde actuellement, quand quelqu'un vient auprès d'eux pour demander l'intercession pour quelqu'un d'autre, hein, ils peuvent demander cette intercession-là sans la permission du roi. Ils peuvent demander au roi et ils peuvent aller intercéder pour quelqu'un auprès du roi sans que le roi lui donne la permission de le faire. Ça c'est de un. Et deuxièmement, parfois il est forcé d'accepter d'intercéder, il est forcé d'accepter cette intercession-là pour une autre personne. C'est-à-dire, quand quelqu'un vient pour lui parler en faveur de quelqu'un, de faire une intercession pour quelqu'un d'autre, parfois il est forcé de dire oui et d'accepter, non pas parce qu'il veut nécessairement, mais pour disons, réunir les gens, hein, pour pas créer des divisions, des conflits, ou bien aussi parce que des fois il a des faveurs ou il a des ministres, hein, et il a besoin d'eux, il a besoin de ses ministres. Et s'il n'accepte pas de leur faire quelques faveurs, parfois, ben ça risque de créer des problèmes pour lui plus tard. Donc il doit garder la fidélité de ses ministres et donc il utilise ce moyen-là pour les garder proches de lui. Donc, ça c'est pour les créatures. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il n'a aucun besoin de ses serviteurs. Il n'a aucun besoin des créatures. Il est al-Ghani. Donc, il est le riche et celui qui se suffit à lui-même. Et donc, il n'y a personne qui peut venir auprès de lui pour demander l'intercession, excepté par sa permission. Et même la meilleure des créatures, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il vient au jugement dernier, lorsque tout le monde est rassemblé et que tout le monde est en train d'attendre le jugement, que le jugement commence, hein, et tout le monde s'en vient vers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour demander au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'intercéder en faveur des gens pour que Allah commence à faire le jugement, et avant de venir au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils vont à chacun des prophètes qui les renvoient tous un après l'autre vers un autre prophète jusqu'à ce que le dernier soit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc se prosterne devant Allah subhanahu wa ta'ala et le glorifie par toutes sortes de glorifications et l'invoque par différentes formules de dua. Et par la suite Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et lui dit: oh Mohammed, lève ta tête, demande et je te donnerai, et intercède et je vais intercéder. Alors la shafa'a c'est quelque chose qui appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah il dit dans le Coran: قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا. Dit l'intercession appartient tout entière à Allah, et Donc, on n'a pas le droit de la demander et de la chercher, excepté que d'Allah subhanahu wa ta'ala, en disant, « Oh Allah, intercède, accepte que le prophète intercède pour moi, ou accepte qu'un tel intercède en ma faveur. » Tu ne demandes pas à la personne tu ne demandes pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou tu ne demandes pas à un wali ou à quelqu'un l'intercession, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il permette à ceux-là d'intercéder en ta faveur, parce que l'intercession appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui, c'est à lui, c'est pas à une créature. Et donc tu dois la demander à Allah, et le cheikh il dit que celui qui vient puis qui demande et qui dit après la mort du messager sallallahu alayhi wa sallam, qui demande après sa mort, ô messager, ô Muhammad, intercède en ma faveur, ou toi un tel intercède pour moi, et il lui demande alors qu'il est mort, il dit que ça c'est pas permis, et de demander l'intercession aux tombes, ça c'est une forme de shirk majeur. Mais le cheikh il dit, أما الحي فتطلب منه الشفاعة بأن يطلب منه أو يدعو الله لمن احتاج إلى ذلك أما الميت فلا يقدر على دعاء ولا أن يطلب منه شيئا. C'est-à-dire, tu peux demander à quelqu'un qui est vivant de demander l'intercession pour toi, ou tu demandes à cette personne-là d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour demander à quelqu'un qui est vivant, par exemple, je te dis par exemple, mon frère Jihad, demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il me donne l'intercession de son prophète. Et là tu vas demander, là tu vas faire un doigt pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accepte l'intercession qu'il accepte de donner à son messager l'intercession en ma faveur. Mais tu peux pas demander à quelqu'un qui est mort de faire un dua pour toi pour demander quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala. هذا هو المقصود من إيراد هذا الحديث وهو بيان حالة الملائكة مع الله وأنهم يخافونه ويصعقون من هيبته ويصعقون من هيبته ومن سماع كلامه ويخرون سجدا لله فدل على أنهم عباد فقراء من الله ليس بيدهم شيء إلا ما أعطاهم الله فلا يجوز دعوتهم فلا تجوز دعوتهم من دون الله وإذا كان هذا في حق الملائكة ففي حق غيرهم من باب أولى. Donc le cheikh il dit, donc ça prouve ça que il dit, c'est ça le but qu'on a mentionné ce hadith, c'est pour montrer, comme on a dit tout à l'heure, l'état des anges et comment ils sont remplis de crainte pour Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'ils entendent sa parole et qu'ils se prosternent. Et ils tombent prosternés devant Allah subhanahu wa ta'ala, par respect pour Allah, et donc ça prouve qu'ils sont des serviteurs qui ont besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc ils n'ont aucun pouvoir en leurs mains pour faire quoi que ce soit, excepté de faire ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a permis de faire, et donc c'est pas permis de les invoquer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, si c'est le cas pour les anges, alors tous ceux qui sont en dessous des anges, et bien c'est encore pire pour eux, ils ont encore moins de pouvoir de faire quoi que ce soit pour quiconque. المسألة الرابعة فيه دليل على تعظيم كلام الله وتعظيم القرآن الكريم لأنه كلام الله ووحي من الله فيجب تعظيمه والخشوع عند سماعه والخوف مما فيه من الوعيد والتهديد والرجاء بما فيه من الوعد الكريم فكلام الله يكرم ويهاب ويعظم ليس نعم يكرم ويعظم ويهاب ليس مثل كلام المخلوقين وكذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يجل ويعظم لأنه وحي من الله عز وجل ومن ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فهو وحي من الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. Le cheikh il parle ici de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et il dit qu'il y a une preuve qu'on doit respecter et honorer la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est dans le Coran, et on doit respecter le Coran et que c'est une révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est obligatoire d'avoir de l'humilité lorsqu'on l'entend, et du respect et de la crainte pour qu'est-ce qu'il contient de menaces et de d'espoir, d'avoir l'espoir, hein, la promesse qui est dedans, hein, du paradis. Et il faut donc honorer et respecter et y avoir un grand respect pour la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas comparable à la parole du Créateur. De même que les hadiths du messager sallallahu alayhi wa sallam doivent être respectés. Parce que c'est une révélation qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Sourate An-Najm 3, versets 3 et 4, il ne parle pas selon ses désirs, ce n'est qu'une révélation qui lui est révélée. Hein, donc c'est une révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est la parole de son messager sallallahu alayhi wa sallam. المسألة الخامسة فيه فضل جبريل وأنه موكل بالوحي وأن الملائكة كلهم يسألونه ماذا قال ربنا وهذا دليل على فضله ومكانته عند الله. Le cinquième point c'est qu'il y a le mérite de Jibril et que c'est lui qui est responsable de la révélation et que les anges demandent tous à Jibril qu'est-ce que notre Seigneur a dit et il leur répond. Donc il y a la preuve du mérite et du statut de Jibril auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. المسألة السادسة فيه دليل على ما ذكرنا أن السماوات سباق متعددة إلى سبع سماوات وفي كل سماء سكان من الملائكة يعمرونها بعبادة الله عز وجل من التسبيح والتهليل وتعظيم الله عز وجل. Donc le cheikh il dit qu'il y a la preuve aussi dans comme sixième point que les cieux sont sont divisés en sept cieux superposés et ces sept cieux-là sont remplis d'anges qui y habitent et qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala en chantant ses louanges et en le glorifiant et en lui montrant le respect qu'il mérite. Donc il y a ce point-là. Ensuite il dit al-mas'alatu as-sadi'a. في الحديث دليل أيضا على أن الملائكة كل له عمل موكل به إذا كان جبريل موكلا بالوحي فكذلك ميكائيل موكل بالقطر والنبات وكما جاء في الحديث وكذلك إسرافيل موكل بالنفخ في الصور وكذلك بقية الملائكة ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في استفتاحه إذا قام بالتهجد من الليل اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل لماذا خص هؤلاء مع أن الله رب لكل شيء لمكانة هؤلاء لأن جبريل موكل بالوحي الذي فيه حياة القلوب وميكائيل موكل بالقطر والنبات الذي فيه حياة الأرض بعد موتها وإسرافيل موكل بالنفخ في الصورة الذي فيه حياة الأجسام بعد موتها فكلها موكل بالحياة هذا بحياة القلوب بالوحي هذا بحياة الأرض بالماء والقطر وهذا بحياة الأجسام يوم القيامة ونفخ الأرواح فيها. الشيخ explique que dans ce hadith il y a la preuve que les anges ont chacun une action à faire et ils sont tous chargés d'une action spécifique qui les concerne, comme Jibril est responsable de la révélation, Mikaël est responsable de faire tomber l'eau, faire descendre la pluie et les gouttes d'eau et de faire pousser les plantes, et Mikaël, il est responsable de souffler dans le clairon au jour du jugement dernier, et chacun, donc tous les autres anges également ont des tâches qui leur reviennent. Et il dit donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il priait la nuit, il faisait une ouverture, disons avant de commencer, après avoir fait le takbir, il fait un dua, il dit « Allahumma Rabbi Jibril » ou « Allah Seigneur de Jibril, de Mikaïl et de Israfil ». Et le cheikh dit « Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne uniquement ces trois anges-là » À cause de leur statut spécifique. Parce que Jibril est responsable de la révélation, et la révélation c'est ce qui fait vivre les cœurs. Et Mikaïl est responsable de l'eau, de la pluie et des plantes, et ça fait vivre la terre après qu'elle soit morte. Et Israfil, il est responsable de souffler dans le clairon, et c'est ça ce qui va, disons, c'est à ce moment-là que la vie revient dans les corps après leur mort. Donc ils sont tous chargés d'une certaine façon de la vie. De faire mettre la vie, la vie des cœurs pour, par la révélation, la vie de la terre par l'eau, hein, et la vie des corps après la mort en soufflant les âmes au jugement dernier. والمسألة الثانية أن الملائكة لا يعلمون الغيب ويسألون غيرهم أما خفي عليهم وعليكم السلام. Et donc le dernier point, le huitième, c'est que les anges ne connaissent pas l'invisible, hein, et ils demandent à d'autres qu'eux-mêmes à propos de ce qu'ils ne savent pas. Donc ça prouve que les anges ne connaissent pas l'invisible. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, on a terminé le chapitre 16. On continuera la semaine prochaine, Inch'Allah, samedi, bismillah, le chapitre 17, on va commencer, c'est à propos de Al-Shafa'a. Et là, on va vraiment rentrer dans la question de Shafa'a, mais dans les détails. Et on va expliquer tout ce qui a rapport avec ce sujet-là. C'est un chapitre qui est vraiment intéressant, Inch'Allah. Donc, on va s'arrêter ici. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayhi.